Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai 13 wa. C'est à toi de décider. Moi, je pense que chacun a le droit de vivre comme il l'entend. Absolument. C'est pas bien de tuer les gens. Et quand quelque chose est déplacé, la tata a envie de le remettre à la bonne place. C'est dans sa nature. J'ai l'impression de suivre un chemin que quelqu'un d'autre a déjà tracé pour moi. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Deuxième épisode. Le sculpteur Koichi Tamura assassiné à coups de couteau. Son corps retrouvé à son domicile dans une mare de sang. En lisant ce journal, je me suis demandé si, par hasard, ce Koichi Tamura n'était pas ton père. Oshima-san, j'ai pas tué mon père, vous savez. Bien sûr que je le sais, mon petit Kafka. Le jour où ça s'est passé, tu étais dans cette bibliothèque. Et tu as lu jusqu'à l'heure de la fermeture. Tu n'aurais jamais eu le temps de rentrer à Tokyo, tuer ton père et revenir à Takamatsu. J'en suis pas si sûr. La mort de mon père a eu lieu exactement le jour où je me suis réveillé avec une grande tache de sang sur mon t-shirt. Si tu te présentais à la police et expliquais clairement que tu as un alibi, ce serait beaucoup plus simple que de fuir et de te cacher. Naturellement, je suis prêt à témoigner pour toi. Mais si je faisais ça, on me ramènera à Tokyo. J'imagine. Après tout, tu n'as pas fini le collège. J'ai pas envie de retourner au collège, et encore moins chez moi à Tokyo. C'est à toi de décider. Moi, je pense que chacun a le droit de vivre comme il l'entend. Qu'on ait 15 ans ou 50 ne change rien à l'affaire. Malheureusement, ce n'est pas l'opinion qui prime dans notre société. D'après cet article, tu étais sa seule famille. J'ai une mère et une sœur, mais elles sont parties depuis longtemps. Je sais pas où elles sont. Je ne sais pas si mon impression est juste, mais il me semble que l'assassinat de ton père ne t'attriste pas particulièrement. Je regrette ce qui lui est arrivé. Après tout, c'est mon père, nous sommes liés par le sang. Mais pour être honnête, je regrette surtout qu'il soit pas mort plus tôt. Je sais que c'est une chose horrible à dire à propos d'un défunt, mais... Ça me choque pas. Dans un moment comme celui-ci, tu as le droit d'être honnête avec toi-même. Il se passe beaucoup de choses autour de moi. Certaines que j'ai choisies, d'autres non. Mais je perçois plus très bien la différence entre les deux. C'est-à-dire, même ce que je crois choisir de ma propre volonté, me semble avoir été déterminé d'avance. J'ai l'impression de suivre un chemin que quelqu'un d'autre a déjà tracé pour moi. J'ai beau essayer de comprendre, ça me semble complètement inutile. Ou plutôt, j'ai l'impression que plus je fais d'efforts pour comprendre, moins je suis moi-même. Comme si je m'éloignais de ma propre trajectoire. C'est terrible comme sensation. Ça me fait peur. Même si c'est vrai, même si tes choix et tes efforts doivent fatalement se révéler vains, tu seras toujours toi et personne d'autre. C'est bien toi qui avances et pas un autre. Ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que tu es à Takamatsu ? Non. Je l'ai dit à personne. Dans ce cas, tu ferais mieux de rester caché dans cette bibliothèque quelque temps. Et si besoin était, tu pourrais toujours te réfugier dans la cabane, à Kochi. Si je vous avais pas rencontré, Oshima-san, j'aurais pas pu m'en sortir. Non. Je ne crois pas. Si tu ne m'avais pas rencontré, tu aurais trouvé une autre solution. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr. Quelque chose en toi me pousse à le penser. Au fait, dans le journal d'hier, il y avait aussi cet article, un autre filet à propos d'un incident tellement étonnant que je l'ai remarqué. Et ça s'est aussi passé près de chez toi. Je me demande si c'est une coïncidence. Tiens. Des poissons tombent du ciel. 2000 sardines et maquereaux dans une rue commerçante de Nakano. le 29 aux alentours de 18h, les habitants de l'arrondissement de Nakano ont eu la surprise de voir quelques 2000 sardines et maquereaux tomber du ciel. Aucun blessé grave n'est à déplorer. La plupart des poissons, vivants lors de leur chute, étaient encore agités de soubresauts sur la chaussée. À ton avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Pas la moindre idée. Il va tomber des poissons du ciel comme s'il en pleuvait. Des sardines, je pense. Mais il y aura peut-être aussi quelques maquereaux. 2000 poissons sont tombés du ciel le lendemain de l'assassinat de ton père, non loin de chez toi. Ça doit être une coïncidence. Sans doute. Un autre article dans le journal mentionne également une pluie de sangsues sur une aire de repos de l'autoroute Tokyo-Nagoya. Personne ne parvient à expliquer comment des sangsues ont pu se mettre à pleuvoir du ciel. Il est marrant, vous pouvez regarder. Il a vraiment ouvert son paybrook, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette merde qui tombe du ciel ? Ah, regardez, c'est pas de la pluie. Ah, on dirait de la neige noire. C'est quoi ces trucs noirs là ? Là non plus, tu n'as aucune idée de ce qui a pu se passer. Aucune idée. Ce qui veut dire qu'une succession d'événements étranges et inexplicables frappe notre pays. Ces événements n'ont certainement aucun lien entre eux. Il doit s'agir de simples coïncidences. Mais ça m'intrigue tout de même. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que l'enquête sur l'assassinat du célèbre sculpteur Koichi Tamura piétine. La police recherche le fils de l'artiste, un adolescent de 15 ans qui a disparu du domicile familial quelques jours avant le meurtre. Et allez donc, encore un gamin de 15 ans. Pourquoi tant de garçons de cet âge commettent-ils des crimes ces derniers temps ? Moi, à 15 ans, je faisais des virées sur des motos volées, sans permis, bien sûr. Je ne suis pas bien placé pour faire la morale aux autres, mais voler une moto, c'est pas la même chose qu'assassiner son père. Enfin, seule la chance a fait que j'ai jamais tué le mien. Ces coups de poing m'ont laissé de sacrés souvenirs. Une hémorragie abondante du cœur et des poumons aurait provoqué une mort immédiate. À l'heure où nous vous parlons, aucun témoin ne s'est encore manifesté malgré plusieurs appels lancés à la population. Vous savez, Oshima-san, il y a quelques années, mon père a fait une prédiction. Une prédiction ? J'en ai encore jamais parlé à qui que ce soit. Pour être franc, je pensais que personne me croirait. Plus encore qu'une prédiction, c'est peut-être une malédiction. Mon père me l'a répété je ne sais combien de fois, comme s'il voulait graver chaque mot au burin dans ma conscience. Tu te répètes une nouvelle fois les mots que tu dois prononcer. Tu sais qu'ils sont là ? Ils ont toujours été là, mais je dois les soupeser encore une fois. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère. C'est ce qu'a dit ton père ? Mais c'est pas tout. Il y a un bonus. J'ai une sœur de 6 ans, mon aînée, que je connais pas. Et mon père m'a dit que je coucherai avec elle aussi. Il m'a dit que j'aurais beau faire, je pourrais pas échapper à mon destin. Cette prophétie est comme un mécanisme à retardement enfoui dans mes gènes, et quoi que je fasse, elle se réalisera à coup sûr. Mais, en fait, la prophétie de ton père ne s'est pas réalisée. Ce n'est pas toi qui l'as tué, puisque tu étais à Takamatsu à ce moment-là. Tu ouvres tes mains devant ton visage et tu les regardes. Ces deux mains sinistres qui étaient couvertes de sang dans les ténèbres de la nuit. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. Quelqu'un l'a tué, mais ce n'était pas toi. Il faut se rendre à l'évidence. Ce sang, ce n'est pas le tien, c'est celui de quelqu'un d'autre. Pour être franc, j'en suis pas si sûr, Oshima-san. J'en suis pas si sûr. L'autre nuit, En rentrant de la bibliothèque, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans l'enceinte d'un sanctuaire avec mon t-shirt plein de sang. J'ai gardé aucun souvenir de ce qui a pu se passer pendant que j'étais évanoui. 星座をめぐる星からのメッセージ地上に降り注ぐその言葉耳を澄ませば Monsieur Oshino, Nakata peut-il vous poser une question? Ouais, quoi? N'auriez-vous pas mal au dos par hasard? Ah si, bien sûr, un chauffeur routier qui a pas mal au dos, c'est comme un lanceur de baseball qui a pas mal à l'épaule. Et pourquoi tu me demandes un truc pareil? Parce que j'ai eu cette impression en regardant votre dos. Hmm? Est-ce que Nakata peut vous toucher le dos? Vas-y, ça te chante. Ah. Monsieur Oshino, vos os sont un peu de travers. Pas étonnant, j'ai vécu de travers pendant pas mal de temps. Alors, si vous ne faites rien, ça peut devenir très grave. Ah bon? Oui, cela risque de vous causer des maux de tête, de la constipation et même provoquer des tours de rein. Mmh, là, c'est embêtant. Ce sera un petit peu douloureux, vous permettez? Oh, vas-y, je suis pas douillet. À vrai dire, ce sera très douloureux. Papy, je vais te dire, c'est pas pour me vanter, mais je me suis fait tellement tabasser depuis ma naissance, chez moi, à l'école ou à l'armée, que je peux compter sur mes doigts le nombre de jours où j'ai perçu un nion. Alors que ça fasse mal, que ça brûle, que ça gratte, que ça chatouille, que ça pique, ou que ça fasse du bien, pour moi, ce sera du pareil au même. Vous avez eu mal? Mal, c'est pas le mot. J'ai plutôt eu l'impression qu'on m'a écorché vif. Empalé sur des brochettes, écrasé au pilon et de m'être fait piétiner par un troupeau de vaches en colère. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, bon sang de bonsoir? J'ai remis vos os en place. Vous n'avez plus rien à craindre pour un bon moment. Fini le mal au dos, fini la constipation. C'est vrai, mais je me sens mieux de partout. Oui. Tous les problèmes venaient de votre colonne vertébrale. Mais bon sens que ça m'a fait mal. On a suffoqué. Un peu de sang recueilli dans la pipette s'est éparpillé sur ses draps. C'est le seul incident qui s'est produit ce jour-là. Sous le néon qui clignote, je me rends compte qu'il s'agit d'une tache de sang. Un sang noirâtre, encore frais et assez abondant. Je le lave dans le lavabo. L'eau ensanglantée ne tarde pas à rougir la porcelaine blanche. Les gens saigneront. Mais j'ai beau frotter, la tache refuse de disparaître. Et toi aussi, tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Je roule le vêtement en boule, le fourre dans un sac en plastique, mets le tout dans mon sac à dos. Je sors mon savon de ma trousse de toilette et me lave les mains. J'ai des traces rouges jusque sous les ongles. J'essuie avec une serviette humide le sang qui a suinté à travers mon t-shirt et me colle encore à la poitrine. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. Voilà toute l'histoire, Oshima-san. Je sais pas du tout comment j'ai pu me retrouver avec tout ce sang sur moi, ni à qui il était. Je me souviens de rien. J'ai peut-être bel et bien tué mon père de mes mains. C'est l'impression que j'ai. Bien sûr, je suis pas retourné à Tokyo ce jour-là, j'étais à Takamatsu. Mais la responsabilité commence dans les rêves, n'est-ce pas? J'ai peut-être assassiné mon père en rêve. J'ai emprunté des circuits particuliers aux rêves et je suis allé le tuer. C'est ce que tu crois. En un sens, c'est peut-être une réalité pour toi. Mais la police ne te poursuivra pas pour responsabilité onirique. Personne n'a le don d'ubiquité. C'est pour échapper à cette prédiction que tu as fugué et que tu t'es enfui aussi loin, n'est-ce pas? Mais on dirait que je suis pas parvenu à y échapper. Ce n'est pas en partant le plus loin possible que tu parviendras à t'échapper d'ici. N'espère pas que la distance résoudra tout. Ce qui est sûr, c'est que tu as besoin d'un endroit où te cacher quelque temps. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Vous savez, Oshima-san, j'ai pas envie de faire ce genre de choses. Je voulais pas tuer mon père et je veux pas coucher avec ma mère ou ma sœur. Évidemment. Qui le souhaiterait? Pas même en rêve. Tu sais, Nakata, je me sens beaucoup mieux depuis ta petite séance de shiatsu. Ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. J'ai l'impression d'être un homme neuf. J'en suis bien content, monsieur Oshino. En regardant votre dos, j'ai vu qu'il était de travers. Et quand quelque chose est déplacé, Nakata a envie de le remettre à la bonne place. C'est dans sa nature. Tout de même, c'est la première fois que Nakata remettait un os en place. Ça doit être ça, le talent. Avant, Nakata savait parler avec les chats. Sans blague. Mais depuis quelque temps, je n'y arrive plus. C'est arrivé d'un coup. Sans doute à cause de Monsieur Johnny Walken. Je vois. Comme vous le savez, Monsieur Oshino, je ne suis pas très intelligent. Je ne comprends pas les choses compliquées. Et ces derniers temps, il s'est produit un tas de choses compliquées. Il se passe beaucoup de choses autour de moi. Certaines que j'ai choisies, d'autres non. Par exemple, tous ces poissons et ces sangsues qui se sont mis à tomber du ciel. Mais oui, oui. Sur l'aire de repos de Fujigawa. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Y serais-tu pour quelque chose par hasard? Nakata ne sait pas trop. Mais au moment où j'ai ouvert le parapluie, des centaines de sangsues se sont mises à tomber du ciel. Ouais. On a beau dire, tuer quelqu'un est la pire chose qui soit. Absolument. C'est pas bien de tuer les gens. Tout à fait. Tout à fait. Cette nuit, j'ai vu un fantôme. Je sais pas si je dois appeler ça un fantôme. En tout cas, c'est pas un être vivant, mais une créature sans substance qui n'appartient pas au monde réel. Il suffit d'un regard pour s'en rendre compte. La sensation d'une présence te réveille brusquement et tu vois cette adolescente. On est au milieu de la nuit, mais la chambre est étrangement claire. Des rayons de lune pénètrent par la fenêtre. La silhouette de la jeune fille se découpe nettement dans le clair de lune, lavée par cette lumière lunaire blanche comme de l'os. Elle doit avoir à peu près mon âge, 15 ou 16 ans. Elle est petite et frêle, mais son maintien n'évoque pas la faiblesse. Ses cheveux raides lui tombent dans le cou. Elle porte une robe bleue clair évasée qui lui arrive aux genoux. Elle est pieds nus. Un décolleté rond met son joli cou en valeur. Elle est assise devant le bureau, regarde un point sur le mur. Elle semble rêvasser, comme si elle se remémorait des souvenirs récents et agréables. De temps à autre, une esquisse de sourire apparaît sur ses lèvres. Tu fais semblant de dormir. Quoi qu'elle fasse, tu ne veux pas la déranger. Je suis sûr que cette fille est un fantôme. D'abord, elle est trop belle. Non seulement elle a un visage sublime, mais tout en elle est trop parfait pour qu'elle soit réelle. On la croirait sortie d'un rêve. On la croirait sortie d'un rêve. Enveloppée dans tes couvertures, tu retiens ton souffle. Soudain, comme si une idée lui était venue à l'esprit, son regard se détache du mur. Elle pivote et regarde dans ma direction. Elle te regarde. Elle me regarde. Mais chose surprenante, je n'ai pas l'impression qu'elle me voit. Peut-être que ce n'est pas moi qu'elle regarde. Plutôt quelque chose derrière moi. Pendant combien de temps m'a-t-elle regardé ou a-t-elle regardé dans ma direction? Mais la loi du temps ne s'applique plus ici. Ici, le temps s'étire ou stagne selon les circonstances. Tout à coup, la jeune fille se dresse sur ses jambes minces et se dirige vers la porte d'un pas silencieux. La porte ne s'ouvre pas, mais elle disparaît à travers. Elle va peut-être revenir. Je voudrais qu'elle revienne. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. 12e épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Jonathan Cohen, Oshino, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima. Et les voix de Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Arnaud Pfeffer, Clément Aubert, Henri David Cohen, Laurent Lederer. Musique originale et piano, Denis Chouillet, clarinette, Fabrice Villard, percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.